Je te donnerai ma vie si je t'aime, j'hésiterai pas à tirer pour toi. Un jour tu vas sûrement me trahir, je vais te faire un sourire et je vais tirer sur toi. Que Dieu soit loué, une rafale sur la loque, trop tard pour faire marche arrière. Je fais la bise à des putes, à des enfants de salopes, qui sont pleins de manières. Et je les montrerai en l'air sur la tombe de mon père, que j'ai pas de cœur pour eux. À chaque seconde qui passe, ça ne fait que s'empirer. Grâce à moi tout se passe comme il faut, je manque de relou et je ne fais que m'empiffrer. J'ai toute une équipe qu'on les couilles à l'envers, y'a pas que Fit qui visitera l'enfer. C'est vrai que je suis en tort dans l'affaire, mais je suis un des aides impossible, je me la ferme. Ma première calage pour mon premier cadeau, ma première perquise pour mon premier braco, crash dans la gueule pour mon premier râteau, ma première bagarre pour mon premier KO. Je reviens de loin, que le Seigneur soit témoin, je parle avec toi gros, fais-moi voir tes mains. Je leur fais pas confiance, sur la vie de ma mère, je vais les monter en l'air, que personne ne se mêle. C'est vrai, c'est dur, car Dounia nous attire. À la base on n'est pas mauvais, mais qu'on veut juste s'en sortir. C'est vrai qu'on a fait le pire, rien ne se passe comme prévu. On a risqué nos vies, mais jamais vu, c'est notre but. Mais je veux pas me faire pardonner. Suis-je un hypocrite, mon ami, je ne sais pas. La guerre pour avoir la paix, faut que je me prépare. Au fond de moi je sais mon amour, je t'en fais pas. Là je suis rapide dans le bar, et pour le futur ne t'en fais pas. Hypocrite mon ami, je ne sais pas. La guerre pour avoir la paix, faut que je me prépare. Au fond de moi je saigne mon amour, je t'en fais pas. Là je suis rapta dans le bar, mais pour le futur ne t'en fais pas. C'est très bien mais l'amour c'est bien mieux, pour toi j'aime trop ma belle. Je cours derrière la paye toute la nuit, mais ce qu'elle a, elle m'attend, elle m'appelle. Je réponds même pas à la dinde, que Dieu me pardonne pour le mal que j'ai fait. Le frigo est vide, c'est normal que j'ai faim. On n'est pas mauvais, mais pour les lover, on prendra le risque de brûler à la fin. Des pseudo-muslims ont jugé, d'après eux, je suis voué à l'enfer. Tu fais la prière, mais ça te dérange pas de manger la chair de ton frère, hein. Que Dieu vous maudisse, on n'a pas la même steak. Dans ma tête se répète la même scène. La daronne pleurait sur le corps de mon père, lui suppliant de pas nous laisser. Il a fallu qu'on l'accepte, mais on m'avait dit que la mort ne prévient pas, que mon papa ne reviendra pas. Ami ou ennemi, le premier qui se mange je l'abat. Hey, j'ai fait confiance aux potes, mais j'ai perdu mon time. J'ai perdu mon time, j'aime pas la hagra, ils ont voulu me la faire. J'ai sorti le machin et j'ai perdu mon calme. Dounia nous attire, à la base on n'est pas mauvais, mais qu'on veut juste s'en sortir. C'est vrai qu'on a fait le pire, rien ne se passe comme prévu. On a risqué nos vies, mais jamais vu, c'est notre but. Mais je veux pas me faire pardonner. Suis-je un hypocrite, mon ami, je ne sais pas.